franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Louise Imbeaubet. Jacques Chancel. Louise Imbeaubet, 45 ans, puisque vous êtes née le 12 mars 1925, 1m79, 74 kilos, quelque chose comme ça. Mettons 76 maintenant. 76 et une litanie de titres. Champion de France amateur en 1946, champion de France professionnel en 1950. Et 51, je m'excuse. 51, champion du monde en 1958 et ensuite trois Tours de France. Trois fois champion du Tour de France en 53, 54 et 55, c'est-à-dire le triplé. Quel souvenir gardez-vous de toute cette époque héroïque ? Une foule de souvenirs, et je ne saurais trop comment vous les exprimer, car depuis le 15 décembre 1961, l'accident. J'avais 9 ans, l'accident. C'est exact, j'ai eu un accident qui a abrégé ma carrière et qui a précipité ma reconversion. Et je m'excuse d'aller un peu vite, mais c'est été tellement rapide, ma reconversion, que j'ai un peu oublier tous ces souvenirs cyclistes. C'est très cruel à ce que je dis. Toutefois, je dois vous dire que pour des raisons hygiéniques et pour des raisons de santé et de ligne peut-être, je m'impose tous les dimanches mes 80 km. Et je recommunie tous les dimanches matin avec mon vélo et avec mes souvenirs. On ne peut pas oublier. Et vous savez que pour moi, la pratique du cyclisme et de la bicyclette encore actuellement est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il m'arrive, avec cette vie maintenant assez agitée d'homme d'affaires, d'être fatigué intellectuellement, mais je phosphore mes problèmes, je les résous beaucoup mieux en pédalant dans la campagne quiberonnaise. J'ai lu tout à fait récemment le livre de Paul Katz consacré à Théo Médina et je suis effrayé par la chute d'un champion. Et lorsque je fais le parallèle, par exemple, entre vous et Théo Médina, je m'aperçois qu'il y en a un qui a parfaitement oublié toute sa gloire et l'autre qui a réussi sa vie. Oui, c'est vrai, c'est très cruel ce que vous dites, et ceci m'a préoccupé très tôt. Et mes parents m'ont toujours mis en garde contre ce que pouvait être l'après-vedettariat, l'après-vedette. Et j'ai toujours pensé à ma reconversion assez tôt. Mais sincèrement, je pensais depuis très longtemps à ma reconversion, car j'avais trop vu d'exemples d'aînés, de grands noms, d'exemples avec des reconversions très douloureuses. Louise Imbeaubet, vous le dites souvent, je suis né dans le pétrin, ça veut dire que votre père était boulanger. C'est exact. Quelle formation avez-vous eue dès le départ? Et vous êtes né où d'abord? Je suis né le 12 mars 1925 à Saint-Malgrand. C'est un petit pays merveilleux, bien sûr, qui est situé à 30 km au sud de Dinan et à 40 km à l'ouest de Rennes. J'ai une formation scolaire excessivement primaire puisque j'ai quitté l'école à 14 ans. Je dis effectivement que je suis tombé dans le pétrin en 1939-40 puisque c'était la guerre, mais que n'importe comment, je n'étais pas tellement attiré par la scolarité. Mon frère, que vous connaissez, qui a des sciences d'anglais, une sœur qui a également continué ses études, moi j'étais le seul à ne pas vouloir continuer les études. Et j'ai été boulanger, ça je tiens à le préciser, et j'ai travaillé en me levant très tôt, de 1940 à 1944, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, je pétrissais avec mon père. Comment se fait-il qu'il y ait cette différence entre vous, votre sœur et votre frère? Question études. Vous n'étiez pas passionné par les études? Non, j'étais un élève un peu au-dessus de la moyenne, mais sans plus. Je n'étais pas passionné. Ça m'a toujours affolé. Un exemple. L'autre jour, j'étais chez ma sœur et j'ai une nièce charmante qui a 17 ans. Je suis le parrain. Et cette petite fille, très sérieuse, s'est enfermée tout l'après-midi pour étudier. J'étais en émerveillement devant cette gamine qui était avec ses bouquins, avec ses livres, etc. Mais ça me panique réellement. Et pourtant, tout à l'heure, je vous en parlerai, j'ai travaillé. J'ai travaillé très dur il y a de cela il y a 6 mois. Mais pendant 1 an et demi, j'ai travaillé car je suis un aviateur. Et je pratique l'aviation depuis maintenant près de 17 ans. Et je suis devenu pilote professionnel, pilote IFR. Ça veut dire pilote avec une qualification permettant de voler la nuit, dans les nuages, etc. Et ceci m'a obligé à travailler terriblement, à me pencher sur des problèmes de maths. Et pour passer mon examen théorique, eh bien, j'ai dû vraiment apprendre beaucoup de choses. Et ça a été particulièrement dur. Seul le désir de devenir pilote professionnel m'a permis d'arriver à ce succès. Est-ce qu'on peut dire que votre accident de 1961, vous avez eu fracture du col du fémur? Oui, j'ai été très abîmé. Vous a permis d'aborder le royaume des affaires, car il a fallu que vous vous soigniez à ce moment-là. Oui, vous savez, j'ai eu des passages difficiles. Il est très délicat de parler de soi, mais enfin... On est là un peu. Vous êtes là pour ça. Et vous savez, j'ai d'abord souffert physiquement beaucoup, car vous savez qu'on s'est beaucoup demandé pendant 3 jours comment j'allais en sortir. Vous n'allez pas en sortir du tout d'ailleurs. Et puis ensuite moralement, car pour un garçon qui vit intensément, car vous savez, je ne suis pas un garçon tellement facile à vivre, car je suis une vraie pile électrique et j'ai un tempérament de gagneur et de battant qui se caractère. Non, je ne pense pas, mais d'une susceptibilité atroce. C'est une maladie, ça. Oui, c'est assez difficile. Ça soigne. Mais enfin, avec l'âge, peut-être, voyez-vous, 45 ans passés, je pense que je serai moins susceptible. En tous les cas, j'ai donc beaucoup souffert pendant ces quelques 17 mois, car, cher ami, j'ai marché avec des cannes pendant 17 mois. Et j'ai aussitôt pensé que c'était fini, une page très cruelle à tourner, il fallait le faire, pourtant c'est dur, vous savez, de se retirer de l'odeur du peloton, de l'abrogation de ses camarades, etc., de la foule, car sans être cabot, car je pense que nous, sportifs, nous ne sommes pas cabots, nous avons quand même bien un petit peu... Un peu comédien, quoi. Oui, un peu peut-être, c'est exact, oui, mais enfin, dans le bon sens des termes. On ne fait pas de comédie en montant les oars, vous savez. Eh bien, ces feux de la rampe me manquaient un petit peu, quand même. Alors, j'ai pris le guidon par en dessous, une autre fois, c'est un peu une image, et j'ai pensé aussitôt à me faire une autre activité. Là, c'était décidé. C'était décidé. Et alors, je vais vous préciser même, ça a été décidé en 5 heures de temps, tout seul. Dans la clinique où j'étais opéré, j'ai été réopéré 2 fois. Il faudrait dire que c'était un accident de voiture. Hein. Oui, de voiture, bien sûr, avec mon frère, en rentrant de Bruxelles, à 40 km de Paris, auprès de Meaux. Nous avons loupé un virage et moi, je me suis retrouvé dans une clinique parisienne, n'est-ce pas? Dans cette clinique, donc, je peux vous dire qu'il y avait un plafond avec 48 carreaux. Je les ai comptés. J'ai passé des nuits cruelles, difficiles. Un jour, j'ai pensé me reconvertir dans le thermalisme marin. D'abord, pourquoi marin? Parce que je voulais absolument revenir en Bretagne. En tous les cas, j'ai donc pensé à ce thermalisme et j'ai choisi pour ça, je pense, un pays qui répond parfaitement à tout ce que l'on peut attendre d'un établissement thermal. Quiberon. Enfin, nous parlerons de Quiberon oui. Tout à l'heure. Je voudrais savoir, Louison Bobet, si vous avez le souvenir de votre première course, de votre oui. premier vélo. Oui, ah, bien sûr. Là, je vais vous raconter une histoire qui va vous surprendre et que peu de gens connaissent. Mon premier vélo, je l'ai eu à 28 mois. Et tenez-vous bien, il est paru dans un journal, excusez la publicité, qui s'appelait L'Ouest Éclair à l'époque. Oui. Cette photo, dont la légende est ainsi faite, un futur champion. Et c'est le jeune Louis Bobet qui, à l'âge de 26 mois, accomplit avec son papa des randonnées de 5 km sur un vélo à 2 roues, tenez-vous bien. Mon père avait eu la patience de me faire pédaler sur un vélo à 2 roues à l'âge de 26 mois. C'est lui alors votre père qui savait que vous deveniez un champion? Il faut croire. Enfin, je lui dois beaucoup parce que vous savez, j'ai été élevé, moi, dans une ambiance sportive toute ma vie. Alors donc, mon premier vélo date de 26 mois. Ensuite, j'ai eu mon premier vélo de course à l'âge de 12 ans. Certificat d'études, vélo de course. Ensuite, ma première course, je l'ai disputée en 1938. J'avais 13 ans, car à Saint-Malgrand, dans mon pays, se disputait l'année-là le premier Paninalp. C'est l'épreuve chère à tous les jeunes champions qui veulent émerger. Et j'ai disputé, quand j'étais très gamin, cette première course où j'ai terminé, je crois, 26e ou 27e. C'est le premier souvenir. Premier souvenir. Et puis ensuite, j'ai gagné ma deuxième course, un petit pays, où a vécu Théodore Botrel, à 2 km de Saint-Malgrand. C'est un petit pays qui s'appelle Le Parson, un hameau plus précisément. Et j'ai gagné au Parson ma première course. Louison Bobet, vous avez abandonné la compétition, par force d'ailleurs, depuis 1961. Mais lorsque quelqu'un grimpe sur un col quelque part en France, il y a toujours quelqu'un d'autre pour dire « Vas-y, Bobet ». Oui, et chose curieuse, même, je peux vous dire que lorsque je m'entraîne... C'est resté. Lorsque je m'entraîne le dimanche, il y a parfois des gens sur le bord de la route qui viennent dans la presqu'île, car c'est un peu un lieu de pèlerinage, la presqu'île de Quiberon le dimanche pour les gens de l'intérieur, et qui rencontrent, vas-y Bobet, je me tourne, je dis oui, c'est exact. Alors là, ils sont sidérés. Ils sont sidérés parce qu'ils ne pouvaient pas croire que je pouvais encore pédaler. Louison Bobet, lorsque vous regardez courir un homme comme Eddy Merckx, est-ce que vous faites des points de comparaison? Je me refuse à toute comparaison, car pour moi, on est champion de sa génération. On ne peut pas comparer Philippe Thys, Petit Breton, Bottecchia, Antonin Magne avec Anquetil ou Louison Bobet. Je pense quand même, et n'y voyez pas là du tout l'optique d'un ancien, je pense que Merckx n'a pas tellement de chance, car il n'a pas de grands adversaires à battre. Et l'autre jour, je parlais avec des amis, et Merckx fatigue un peu les gens, ou même Jacques Anquetil fatiguait les gens. Pourquoi? Parce qu'il ne leur arrive pas d'être battu. Copie, Bobet, Kubler, enfin je m'excuse de me citer, oui. Van Steenbergen, Magny, Bartali, Koblet, nous étions une brochette de champions des années 50, et nous arrivait, et pour cause, de nous faire battre. Et je crois que Jacques Anquetil n'a jamais été battu comme le public aurait peut-être pas souhaité, mais aurait été heureux quand même un peu parfois de le voir battre. C'est pour cette raison qu'on adore Poulidor. Là, je vous ai fait poser une question facile. Raymond Poulidor, alors là, je vais vous parler de Raymond que j'aime beaucoup en tant qu'homme et en tant que champion aussi. Je trouve que Raymond Poulidor, contrairement à ce qu'on a pu dire, est un garçon qui a une grande chance. Il a une chance d'avoir Anquetil dans sa carrière. C'est quand même, pour un homme comme vous, Louison Bobet, qui fait partie maintenant de la légende du cyclisme, une belle responsabilité. Oui, c'est exact, oui. Oui. Mais pour revenir à la toute première question, parfois je m'en veux de ne pas suffisamment penser à ce qu'a été ma carrière. Et parfois je prends, quand je suis très fatigué, car vous savez... Pourquoi ? Parce que vous la refusez. Non. Comme homme d'affaires, vous la refusez. Là, je crois que vous répondez bien à la question, oui. C'est-à-dire que je suis un perpétuel anxieux, un trait de mon caractère, et je me donne et me consacre entièrement à ce que je fais. Pas que penser cyclisme ou à mes souvenirs cyclistes m'empêcherait de bien travailler dans ma profession actuelle, mais enfin quand même, je m'y donne tellement que je pense pas à autre chose. Lorsque vous étiez champion, lorsque vous gagniez tous ces Tours de France, et il y a tant d'épreuves dont nous ne parlons pas, que vous avez également gagné, est-ce que vous, déjà à ce moment-là, vous prépariez l'avenir? Je pensais à cela parce que j'ai toujours été un inquiet. Et je pensais qu'à 35-36 ans, il fallait tourner la page. Mais je pensais quoi? Ça n'est pas l'inquiétude, c'est l'intelligence, non? Si vous le prenez comme ça, je vous en remercie. Mais je pense quand même que cette chose m'a habité très tôt, que même quand je pédalais, je pensais à ce qu'allait être ma deuxième naissance, pour reprendre le mot de Marcel Blossen-Danchet. Mais c'est extraordinaire pour un homme d'avoir eu le passé que vous avez eu. Oui, je crois que... Vous n'entendez pas parfois dans vos oreilles la nuit, vas-y Bobet, bravo Bobet, les applaudissements des arrivées de stade? Oui, c'est vrai, la vie m'a gâté, je le reconnais. Mais je crois avoir beaucoup œuvré aussi pour peut-être mériter ce que je récolte maintenant. Vous savez que dans ma carrière sportive, j'ai mené une vie ascétique, comme tous les grands champions en général, et puis que dans ma reconversion présente, cher ami, j'ai travaillé pendant 15 heures par jour pendant 3 ans. Louison Bobet, vous avez maintenant votre avion, vos milliards, vos ambitions. Là, vous savez, enfin, l'avion, mes ambitions. Et ensuite, ce matin, je me suis amusé à revoir tous les papiers qui vous ont été consacrés. Je dois dire que ça fait des malles entières. J'ai vu un charmant visage, c'est celui de votre femme. Et je crois qu'elle est très importante dans votre vie, dans vos affaires. C'est exact, oui. Louison Bobet, il faudrait également parler un peu de politique, car à un certain moment, on a essayé de vous entraîner sur les chemins de la politique. Ah là, je vais vous surprendre. Vous savez que j'ai mes opinions politiques, je ne tiens pas à les exprimer à haute voix. Quand on me le demande, je les précise. Je suis un garçon plein d'ambition. Je l'ai prouvé, je crois, en... Un gagneur. Je suis un gagneur, mais je suis très ambitieux, même très orgueilleux. Mais c'est pas vaniteux. Ah non, sûrement pas. Mais l'ambition dans le bon sens, dans le bon terme. Non, absolument pas, non. Quand je dis ambitieux, vous devinez ce que cela veut dire. Et donc, l'ambition d'une vie politique ne m'habite absolument pas. Vraiment, même, j'ai la chance de côtoyer beaucoup d'hommes politiques qui viennent en cure à l'Institut de Quiberon. Je vais même vous dire que nous avons jusqu'à 6 ministres cet été en cure à Quiberon. C'était presque un conseil des ministres. Eh bien, vraiment, je connais la vie de ces hommes et je ne les envie pas car eux aussi ont des problèmes énormes. Je ne parle pas de leurs problèmes politiques, de leurs problèmes de vie intérieure, de vie extérieure, de vie d'hommes politiques. Je vois combien il faut parfois, excusez l'expression, écraser certaines choses. Et mon tempérament assez entier m'empêcherait de manier la diplomatie comme certains de ces personnages. Vous êtes quand même un député en puissance. Sûrement pas. Jamais. Même pas pour l'avenir. Même pas pour l'avenir, jamais. Je vais même vous assurer que s'il y avait un jour un problème municipal à Quiberon, il y en aura bien sûr, même pas à l'échelon municipal. Que peut-on dire de Louis Bobet, qu'il est un conservateur? Ah non, non, je ne suis pas un conservateur, non. Quoique, c'est une question assez délicate parce que je suis conservateur, mettons, dans un certain sens, mais je crois prouver par mes idées nouvelles que je suis un garçon qui aime aussi innover, enfin aller de l'avant. Pour réussir votre carrière de champion, qu'est-ce qu'il vous a fallu le plus? De la lucidité, de l'intelligence, de la force ou de la roublardise? Eh bien, je crois que la nature m'a gâté d'une chose, je crois être habité d'un certain bon sens. Je crois avoir du bon sens, être très courageux, beaucoup de foi dans ce que je fais, et dans mon activité, dans la création de Quiberon, avouons-le bien franchement, beaucoup d'inconscience. Car vous savez, j'ai quand même passé des nuits difficiles et douloureuses. Lorsque j'ai vu monter les pierres, je n'avais aucune formation, je vous dis, j'ai quitté l'école à 14 ans, je ne savais pas ce qu'était trop qu'un compte prévisionnel, qu'un bilan d'exploitation, etc. J'avais des bons amis, bien sûr, qui m'ont éclairé, et je me suis entouré de ces gens. Mais quand même, quand j'ai vu monter les pierres, quand j'ai dû assister à ces rendez-vous de chantier assez mouvementés, et quand j'ai surtout vu tout ce que représentait cet établissement thermal, parfois j'étais paniqué et j'ai passé des nuits blanches. Je peux vous avouer que j'ai parfois passé des nuits tout seul, la nuit, enfin des nuits de 3 ou 4 heures, dans la nuit à Quiberon auprès des pierres qui montaient. Eh bien, il fallait certes du courage, mais je me répète, un certain culot. Louis-Jean Bobet, j'ai l'impression que vous voulez toujours vous dépasser. Par exemple, je vous écoute parler. Vous avez des expressions sûres. Or, vous me dites, j'ai arrêté mes études, je ne suis pas allé plus loin. Ce qui me porte à croire que vous avez beaucoup étudié tout seul. C'est vrai. Vous êtes même écouté parler certaines fois, non? Car lorsqu'on voit les autres champions cyclistes, on est parfois étonné par les raisonnements qu'ils tiennent. Oui. C'est-à-dire que j'avais des parents très sains qui m'ont appris à bien me tenir à table, à savoir dire bonjour quand il le fallait, et aussi à m'exprimer. Et j'ai toujours, au début de ma carrière, peut-être eu plus de facilité que certains de mes camarades pour savoir exprimer ce que j'avais ressenti au cours de l'étape ou de la compétition. Et je vous assure que ce complexe de non-intellectuel qui m'a habité assez souvent, et qui continue parfois d'ailleurs à m'habiter, eh bien, j'ai voulu y pallier en lisant et en étudiant les personnes qui venaient chez moi. Qu'est-ce que vous lisez, par exemple? Que vous avez lu? Je lis les Goncourt tous les ans, car je vous avoue franchement que ma vie est particulièrement lourde sur le plan professionnel et que je ne m'enrichis pas tellement depuis 2 ou 3 ans. Donc j'ai quand même lu, j'ai beaucoup lu Louise de Villemorin qui était une très bonne amie. Et voilà à peu près à quoi se limitent mes lectures actuelles. Vous me direz que les lectures aéronautiques qui bercent mon livre de chevet ne sont pas tellement intellectuelles, mais enfin elles m'ont quand même permis de m'enrichir dans certains domaines. Vous avez un physique, est-ce qu'on ne vous a jamais proposé de faire du cinéma en Amérique? Vous auriez fait une grande carrière, une après-carrière. Oui, on m'a demandé souvent. En France aussi? En France aussi et dernièrement encore. Vous refusez pour quelle raison? Je refuse parce que j'ai pratiqué un petit peu la caméra en 1948, avec un homme merveilleux qui s'appelait Macario, qui est décédé il y a 3 ou 4 ans, qu'on appelait Toto. Et j'ai tourné avec Gino Bartali et Fausto Coppi. Eh bien, c'est très passif parfois la caméra. J'aime pas des choses passives comme ça. Et puis, d'autre part, non, je pense que l'activité que j'ai actuellement est beaucoup plus enrichissante et plus passionnante. Louis-Jean Bobet, nous parlions tout à l'heure de Théo Médina et nous parlions de la chute des champions. Que pensez-vous de tous ces amis, parfois, oui, qui n'arrivent amis, pas à réussir leur vie? Oui. Là, vous touchez justement un sport qui, je ne ressens pas que les amis boxeurs qui m'écoutent s'en formalisent, mais qui, je crois, marque quand même un peu les individus. Je connais, j'ai vu Charron, j'ai vu d'Hauteville, et ces garçons, peut-être alors, par la faute de manager, n'ont pas eu une reconversion qu'ils méritaient. Et je pense que le rôle d'un manager s'étend au-delà de diriger un combat, aussi de diriger l'homme dans sa reconversion. Les cyclistes, à votre avis, gagnent assez ou pas assez d'argent? Là, ce serait faire le procès du cyclisme, et je crains on peut le que faire. Nous puissions y passer la demi-heure qui nous reste. Mais enfin, pour être très précis, les cyclistes maintenant gagnent très bien leur vie. Vous savez que l'aide des maisons extrasportives a confortablement apporté de l'argent au service course. Et je pense que les jeunes actuels gagnent très bien leur vie, et je leur en veux un peu, car je trouve qu'ils nous trompent. Il nous trompe car un coureur de second plan ou de premier plan qui n'est pas une vedette gagne mieux sa vie au point d'immensualité, je m'entends, que je n'avais moi-même étant champion du monde en 1954. C'est un peu de jalousie, ça. Ah non, non, ça je vous interdis. J'attendais là. Je sais que vous ne le pensez pas, cette question. Ah non, absolument pas. Au contraire, je suis ravi que ces garçons gagnent de l'argent, mais enfin qu'ils apportent à leur employeur le service qu'on leur demande. C'est-à-dire que les jeunes professionnels ont leur avenir financier assuré très tôt, ou trop tôt? Trop tôt. Et c'est justement ce qui fait un des drames, car il y a plusieurs problèmes dans le cyclisme actuel. Mais en tous les cas, il est évident que ces garçons, lorsqu'ils ont un peu mal aux jambes, lorsqu'ils souffrent et que c'est dur, eh bien, excusez l'expression, ils lèvent le pied, car ils savent pertinemment qu'à la fin du mois, ils ont leur confortable mensualité. Vous pensez que le déclin du cyclisme... Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi à des erreurs de dirigeants qui ont, par exemple, interdit à des jeunes de passer professionnel avant d'avoir terminé le service militaire. Mais vous savez, M. Anquetil a gagné le Tour de France, il avait 22 ans, vous vous rendez compte. Et M. Merckx, à 21 ans ou 22 ans, a également gagné le Tour de France. Alors là, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs monumentales. Enfin, les Français, nous sommes battus au Tour de France, nous sommes battus dans Paris-Roubaix, dans Paris-Tours, autour des Flandres. Et alors là, je vais être beaucoup plus dur, mais je pense que vraiment, c'est aussi une question d'homme. Ce n'est pas de chance, mais enfin, cette génération présente ne me voit pas encore arriver des hommes qui pourraient rivaliser avec des Merckx, avec des Gimondi. C'est vraiment une question d'homme, tout simplement pour moi, la crise du cyclisme français actuellement. Vous pensez que les jeunes sont bourgeoises, n'ont plus de volonté? Oui, puis que vous savez, on ne sort pas des Anquetil à chaque génération. Et s'il y avait par exemple un vélodrome à Paris, est-ce que ça aiderait les choses? Ça contribuerait certainement, ah oui, ça certainement, c'est une chose très importante, parce que cela créerait un engouement. On verrait peut-être des jeunes qui font du vélo moteur ou qui se propulsent dans des boîtes, plutôt pratiquer le cyclisme et essayer de sortir sur le plan athlétique, je m'entends. Le goût de la victoire est passé. Oui, ça n'habite plus tellement les jeunes garçons actuellement. Et ça, c'est décevant parce que je gagnais, par exemple, Paris-Roubaix un dimanche, ou Milan-Saint-Rémy un dimanche, et le dimanche d'après, c'était Paris-Roubaix, mais le lundi de ma victoire dans Milan-Saint-Rémy, je pensais tout de suite à Paris-Roubaix. Je voulais toujours ne pas décevoir d'abord. Ça, c'est une chose qui est très importante, ce que je vais vous dire. La peur de décevoir mon entourage et mes amis. Puis la volonté d'être applaudi. C'est vrai. Ça, c'est peut-être le petit côté cabot du personnage. Oui, mauvais cabot, je pense. Tous les cyclistes sont comme ça? Certains. Je pense qu'Anquetil, par exemple, n'a pas été un garçon qui a tellement recherché les honneurs. Lui, mon frère l'avait dit un jour en disant Jacques Anquetil, en mettant la main au milieu du fond, il y a un compteur kilométrique d'un côté, une boîte à sous de l'autre. Et c'est un peu vrai. Et Bobet? Moi, j'étais un véritable amateur professionnel. Je vous assure que je courais pour le bouquet. Je vous l'affirme. Aujourd'hui, on connaît l'itinéraire du Tour de France et on s'aperçoit que les cyclistes, l'an prochain, iront en car, en voiture, en avion et même à bicyclette. Oui, ça arrivera. Oui, vous voulez faire allusion effectivement à ces déplacements aéronautiques qui relieront, je crois, le Touquet à Chartres, n'est-ce pas? Mais vous savez, il ne faut pas accuser les organisateurs, car les organisateurs ont des problèmes. Les règlements de l'Union cycliste internationale veulent que précisément le Tour de France par raccourci. Moi, je m'en félicite, car 21 jours, c'est parfois long. Et une épreuve sur 18 ou 19 jours est plus pétillante, plus vivante. Les concurrents ont maintenant passé l'époque des étapes alpestres et dantesques où l'on faisait 260 et 280 km. Une étape de 180 à 200 km est plus ardente, n'est-ce pas? Et on peut s'exprimer davantage que sur une étape de longue haleine. Vous ne regrettez rien de tout ce passé de champion? Parfois. Dimanche dernier, je suis allé à Saint-Brieuc. J'ai des bons amis à Saint-Brieuc. Et là, il y a un club de cyclotouristes. Et j'ai pédalé pour la première fois depuis très longtemps en peloton. J'ai pédalé avec 50 garçons de 30 à 50 ans, n'est-ce pas? Et puis, il m'est arrivé dimanche dernier de me prendre pour Louison Bobet. On écoute un disque? Vous avez choisi Beethoven. Louison Bobet, quelle est personnellement votre plus grande victoire? Vous savez, j'ai remporté le championnat de France amateur en 1946 à la piste municipale à Vincennes. Et bien sûr, j'ai fait jouer la Marseillaise devant 100 000 Allemands au garde-à-vous à Solingen en Allemagne en 1954 pour le championnat du monde. Vous savez, c'est un petit Breton qui avait débarqué pour la deuxième fois de sa vie dans la capitale à Paris pour disputer cette épreuve formidable qu'est le championnat de France. J'étais sélectionné pour la Bretagne et je représentais donc les Bretons à Paris. Et j'ai été champion de France. Le jour où on m'a mis ce maillot bleu-blanc-rouge et que je me suis retrouvé à la gare Montparnasse avec ce maillot dans ma valise pour rentrer chez moi en Bretagne, ça a été extraordinaire. Et Solingen, ça a aussi été extraordinaire. Vous êtes un peu cocardier? Très cocardier. Vous savez que la Marseillaise me fait toujours avoir la chair de poule. Aujourd'hui, lorsqu'on vous reconnaît dans la rue, ça vous flatte? Oui, ça me fait plaisir. C'est exact. Et avant, c'était la même chose. C'était pire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais dans le bon sens, toujours. Oui, dans le bon sens. Vraiment, je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus. Nous ne sommes pas, nous, sportifs, et vraiment cabots. Le cabotinage, nous ne le pratiquons pas. Vous avez trouvé parfois que le public était mauvais? Parfois mauvais. Injuste? Oui. Assez souvent. Mais vous savez, je l'aime quand même. Parce qu'il sait toujours reconnaître le véritable effort et la justice. Parfois, il est ingrat pendant une heure et pendant le reste de la journée, il est merveilleux. Bon, vous êtes devenu, Louis-Jean Bobet, un homme d'affaires redoutable. Pas dans le mauvais sens encore. Hein. Ouais. Vous avez créé ce centre de thalassothérapie. Il faudrait d'abord expliquer le mot. Je crois que ce sont deux racines grecques. Hein. C'est exactement un peu barbare, mais enfin, thalassa, la mer. La mer. Les Grecs, n'est-ce pas? C'est la thérapeutie par la mer, n'est-ce pas? Thérapéienne, ça veut dire soigner. Thérapéienne parlait très bien. La définition de la thalassothérapie est la suivante. C'est l'usage à des fins thérapeutiques de l'eau de mer et du milieu marin combinés. Car on ne peut pratiquer la thalassothérapie qu'au bord de la mer, bien sûr, mais même un pipeline qui vous amènerait l'eau de mer à 50 km à l'intérieur des terres ne serait pas parfaite, car le phénomène des oligo-éléments fait et complète parfaitement la cure thermale. Vous étiez armé pour devenir un homme d'affaires ? Je crois. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est ce que parfois des grands industriels qui viennent me voir et qui me voient travailler en chef d'entreprise me disent. Et je crois que si je n'avais pas une carrière sportive que vous savez, j'aurais été un homme d'affaires. Louis-Jean Bobet, j'ai l'impression que vous auriez voulu être médecin. J'étais de vous décevoir, mais non. Je suis... Car c'est de la médecine que vous faites. Vous avez d'ailleurs des médecins dans votre affaire. J'ai 4 médecins à temps plein, 23 kinésithérapeutes, et je peux vous dire que ce complexe représente 210 collaborateurs. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir parfaitement réussi, ou vous me l'avez dit tout à l'heure, je suis ambitieux, je suis orgueilleux, ou vous n'êtes qu'un tournant? C'est vraiment d'actualité, parce que maintenant je m'analyse beaucoup. Je trouve que je me fatigue et que je fatigue mon entourage en voulant toujours aller plus loin. Et à 45 ans, je crois être en train de prendre une grande résolution. Vous allez décrocher? Je pense souffler. Décrocher, c'est impensable. Je le dis parfois. Et si mon épouse, bien sûr, qui m'écoute actuellement, doit rire, je parle de décrocher, mais au fond, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais, mais j'aimerais quand même bien si vivre un peu, car ma carrière sportive n'a été faite que de sérieux, que de sacrifices, et dans ma vie actuelle, je me donne entièrement à ce que je fais. Vous vivez vraiment maintenant, car il faut bien reconnaître que lorsqu'on est un champion, on est obligé de faire des sacrifices. On ne peut pas sortir, on ne peut pas manger. C'est exact. On a une vie très difficile à mener. Les gens ne le savent pas assez, je crois. Ah non, sûrement pas. Oui, je vis maintenant pleinement, parce que d'abord, je fréquente des gens merveilleux. Je fréquente toutes les couche de la société. Il est passionnant de parler avec la petite crémière du coin, comme avec M. Blostein Blanchet ou M. le Président Foire. Et ceci me satisfait bien. Quoi, je trouve quand même que je travaille beaucoup. Je travaille un peu trop. Vous savez, être 12 heures dans un bureau, dans une maison, c'est très long. Et nous travaillons du lundi matin au samedi soir. Louis-Jean Bobet, vous avez changé de milieu. Donc vous pouvez considérer que ce qui vous arrive est une promotion sociale. Oui, je le reconnais. Oui, c'est une promotion sociale, oui. J'en suis fier. C'est peut-être le côté un petit peu, comment dirais-je, orgueilleux du personnage. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai une grande fille qui a 22 ans depuis 3 jours. Et j'ai un garçon qui est militaire. Il a devancé l'appel, il n'a pas encore 20 ans, qui est militaire à Toulouse. Quel père êtes-vous ? Je crois être un bon père. Attentif ? Très près de mes enfants, oui. Très très près. J'adore mes enfants, bien sûr. Ils vous contestent de temps en temps ? Ah non, pas. Mais alors là, vous savez, je suis un garçon très autoritaire. Philippe Bobet, il a 19 ans et demi, il a reçu une gifle il y a 6 mois. Vous croyez que c'est bien ? Oui. Ah oui. Oui, oui. Parce que j'étais élevé avec des principes qui m'ont pas trop mal réussi. Et je veux que mon fils, malgré l'évolution, bien sûr, de la vie, je veux que mon fils soit élevé dans les mêmes principes que moi. Et surtout, j'ai eu très peur. C'est que mes enfants se prennent pour les enfants de Louis-Jean Bobet. Ils sont pris de toute manière à un certain moment. Oui, c'est un fait, oui. Ils sont pris, mais à l'âge ingrat de 10, 12, 14 ans, voyez-vous. Mais ma grande fille, par exemple, a horreur lorsqu'on la convoque, lorsqu'il y a la presse. Mettons, je prends un journal, un hebdomadaire très connu, qui vient à la maison pour faire des photos. Elle n'aime pas, elle se cache. Et mon fils n'est pas du tout un petit cabot, absolument pas. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de votre ascension dans la vie ? Non. Non, c'est vrai. Je suis pas conscient. Et maintenant, je veux l'être. Je veux l'être parce que, tout à l'heure, je disais, vous êtes très convaincu que j'avais réussi, que la vie m'avait gâté, mais je vraiment me l'imprégnais et me tapais la tête tous les matins en me disant quand même que j'ai, J'ai une carrière sportive assez extraordinaire. J'ai monté un établissement thermal que je crois bien pensé, n'est-ce pas, et qui fonctionne parfaitement. Alors, je devrais être assez intelligent et assez équilibré pour goûter pleinement à toutes ces joies. L'homme d'affaires Louison Bobet est bien portant. Est-ce que l'homme Bobet est bien pensant? Bien pensant. Je pensais simplement me demander si j'étais bien portant. Je crois penser encore lucidement. Et je crois que les extensions, les activités futures que je vais être appelé à faire seront faites dans un but d'équilibre pour ma vie familiale. À quelle qualité accordez-vous le plus d'importance? L'honnêteté. Il faut être honnête envers soi-même et envers les autres. Les défauts? Les défauts que vous n'aimez pas, bien sûr. Que je n'aime D'abord pas. Chez vous. Chez moi? Je vous le disais il y a quelques instants, je suis d'une susceptibilité... vraiment, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, très susceptible et coléreux. Je suis odieux. Je suis très mal élevé parfois. Quand vous, je prends des vous colères... Vous le reconnaissez? Je le reconnais, mais je suis malheureux après. Je suis malheureux. Je prends des colères avec mon personnel, quelque chose d'épouvantable, pas digne d'un président. Mais pourtant, ça, c'est aucune... Il n'y a pas d'excuse. Vous n'avez aucun contrôle sur vous, ça là, à ce moment-là. Ça devrait se cultiver. Je suis un tel passionné, un tel consciencieux dans le travail, que je ne peux admettre qu'un membre de mon personnel puisse faire une erreur importante. Je parle évidemment d'erreurs importantes, mais à tous les échelons. Même le médecin, chez moi, s'il fait une erreur, une précision, pas une erreur de diagnostic, je ne suis pas qualifié pour cela, mais une erreur de contacting, de contact avec les gens, de psychologie peut-être, n'est-ce pas, qu'on arrive en retard à l'heure au travail. C'est, je suis tous les matins à 8h moins le quart à mon bureau et je quitte à 8h le soir. Je ne pardonne pas ça. Ils vous pardonnent, hein? Oui, parce qu'ils savent que je suis bon. Louison Bobet, est-ce que vous êtes jaloux? Ah non, je ne suis pas ni jaloux ni vaniteux, absolument pas. Ah non, je ne suis pas jaloux. Par exemple, tout à l'heure, vous me posiez une question. Vous êtes jaloux de voir que les jeunes coureurs cyclistes gagnent de l'argent? Mais absolument pas. Pas du tout. Non, je ne suis pas jaloux. Mais parfois, je ne suis pas ambitieux, je ne suis pas envieux, mais... J'aimerais être comme certains. Enfin, je me rappelle encore cette photo de votre femme que j'ai vue ce matin. Elle est vraiment absolument ravissante. Si vous voyez quelqu'un tourner autour d'elle, je voulais dire par là, est-ce que vous seriez jaloux? Ah oui, c'est ça que vous me posez comme question. Vous savez, ma femme est tellement, pour moi, quelque chose de sacré qu'il est absolument impensable que ma femme ne puisse penser à quelqu'un d'autre que moi. C'est de la vanité. Ah, peut-être. Eh bien, admettons que ce soit de la vanité, je suis un mari vaniteux. 45 ans, pour un homme, c'est un cap. Oui, on m'a un dit virage. Cela à 40 ans, mais actuellement, je suis fatigué. Je suis fatigué physiquement et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine Vous parce faites que... 80 km tous les jours? Non, pas tous les jours, non, cher. Pas tous les jours. Tous les dimanches. Mais enfin, quelquefois, je m'impose aussi dans la semaine une sortie à vélo. Mes activités sportives sont les suivantes. Beaucoup de tennis, j'adore le tennis et j'ai découvert le tennis il y a 8 ans. Mais pour répondre à votre question, je m'excuse car j'ai essayé un peu... Quelle question me posiez-vous tout à l'heure? Vous parlez de jalousie tout à l'heure. Oui, mais après. Après nous sommes allés un peu vite peut-être. J'ai dû perdre le fil, oui. Oui. En tous les cas, relancez-moi parce que je crois avoir perdu un petit peu le fil de la conversation. Non, on a parlé c'est de jalousie, vous êtes, questions, et vous êtes allé ailleurs. Vous pouvez m'en poser, vous avez parfaitement le droit. Non, vous maniez trop bien le micro pour que là, je perdrais un peu le fil. Non, j'étais en train de cerner vos défauts. De cerner mes défauts, oui. Qui parfois peuvent devenir des qualités, d'ailleurs. Oui, je vous parlais, je suis coléreux, je suis susceptible. Mais je pense que ça s'arrête, ça se limite à cela. Vous vous connaissez bien? Je crois, oui. Je crois. Et je sais ne pas dépasser parfois mes excès dans la susceptibilité ou dans la colère. Je crois que c'est une grosse qualité. Ah oui, je vous disais ceci, c'est que j'étais très fatigué. Voilà, oui. Ah oui, c'est vraiment parler de fatigue. Oui. J'ai 45 ans et vous savez, il n'y a eu aucune transition. Fatigué, mais vous avez de la mémoire. Oui, mais justement, là, parfois, je vois que je suis très fatigué parce que parfois je perds le fil de la conversation. J'ai 45 ans donc, et il n'y a pas eu de transition entre mon passé sportif à 37 ans, mon accident de voiture, et mon activité actuelle. J'ai tiré sur le guidon pendant 15 ans, et maintenant j'ai travaillé comme vous le savez. Et il m'est très difficile d'accepter d'être moins brillant physiquement. C'est-à-dire que j'ai tiré, vous savez, le quintessence de la mécanique humaine, j'ai tiré sur la carcasse d'une façon terrible. Je pouvais me le permettre car je suis vraiment très sérieux. Je ne fume pas, je ne bois pas. Et je fais très attention à mes repas d'affaires, car hélas, il y a aussi des repas d'affaires. Eh bien, j'accepte difficilement de ne pas tenir 12 heures de travail dans un bureau. Je sens parfois qu'à 11h30, mais là, je suis vraiment en perte de vitesse. Il est temps que j'aille déjeuner. Et le soir à 6h, je ferme assez tôt. Louis en Bobé, à chaque moment de votre jeunesse, vous avez voulu devenir quelqu'un d'important. Ah oui. Et vous savez, lorsque précisément je disputais cette première course cycliste pendant l'occupation, j'avais 16 ans en 1941, dans le pays où a vécu Théodore Botrel, le Parson auprès de sa main, lorsque j'ai gagné cette première course, je me suis pris pour René Vietto, car René Vietto a bercé mon enfance. René Vietto, Antonin Main, Speicher, etc., le Duc. Eh bien, alors que je suis un perpétuel anxieux, je n'ai jamais été sûr de moi. Lorsque je montais l'Isoar avec le maillot jaune sur les épaules, en tête, j'appréhendais de m'effondrer. J'étais simplement rassuré que lorsque j'arrivais à Briançon tout seul. Eh bien, lorsque j'avais 16 ans, dans ce petit pays du Parson, j'ai senti que j'allais être un champion. Mais j'avais la certitude que j'allais être champion. Mais vous auriez pu réussir dans une autre carrière. C'est ce que beaucoup de gens qui me connaissent bien disent. Je crois que j'aurais été un honnête footballeur, un joueur de tennis confortable. Et dans une autre situation, avocat, médecin, donc vous m'avez dit pas médecin, non, vous n'y avez pas pensé. Pas médecin, je n'y ai pas pensé, non. Mais lorsque vous montiez par exemple le col de Bisque, oui, et que c'est quand même très dur. C'est très dur, oui. Vous ne vous disiez pas à ce moment-là si j'avais une activité un autre métier. Tout autre. Non, parce que vous savez, ne voyez pas, c'est du masochisme, mais enfin, j'aimais souffrir dans l'accomplissement de ma profession. Louis en Bobé, est-ce que vous avez su rester simple avec vos anciens amis, avec ça, ceux qui vous entourent? Ça, je voudrais qu'eux vous répondent, et je voudrais surtout qu'ils vous répondent oui, car je m'efforce. Vous savez, lorsque l'été, des camarades de ma promotion, de ma génération, viennent à Quiberon et viennent me saluer. Mais je suis heureux, mais je me fends en cas, je suis prêt à quitter un conseil, une réunion, pour recevoir un petit couloir de deuxième plan, de troisième plan, qui m'a admiré, qui m'a épaulé dans ma carrière sportive. Ah ça, je veux vraiment rester simple. Et ma plus grande joie est un jour réunir dans mon hôtel une cinquantaine de mes bons amis d'antan. Tous les grands champions ? Et puis je serai fier. Avec tous les grands champions, mais non, pas les grands champions. Vrais amis d'autrefois. Les vrais amis, vous savez, les coureurs mais de deuxième plan. C'est peut-être encore pour leur montrer votre réussite. Non, vous êtes méchant. Je serai fier. Je vous avoue franchement que je me promènerai devant eux, en tête du peloton, dans les couloirs de l'Institut. Je serai très heureux de leur faire voir cela, mais sans aucune ostentation, vous savez, d'une façon excessivement simple. Un grand champion de la classe de Louis en Bobé représente souvent la France à l'étranger. Et je peux poser la question, un champion sportif doit-il être cultivé ? Pas forcément. Pas forcément, mais enfin, il y a quand même un minimum, n'est-ce pas ? Il faut savoir s'exprimer gentiment, pas d'une façon tellement, pas avec une érudition extraordinaire, mais savoir exprimer d'une façon précise ce que l'on a ressenti dans l'effort physique ou dans la victoire. Puis à ce moment-là, si on n'a pas de diplôme, il y en a un qui rattrape tous les autres, c'est la curiosité, je crois. C'est vrai, ça c'est vrai. Si on est curieux des choses et des gens. Ah oui, moi je suis un grand curieux. Vous regardez toujours ? Ah oui, toujours, oui. Je cherche toujours. Il y a eu un grand homme pour moi, dans ma carrière, notre maître à tous, c'est Fausto Coppi. J'ai regardé Fausto en 1948. Et je dois beaucoup. Merci Louis en Bobé. C'était de circonstance, puisque se déroule actuellement et jusqu'au 24 juillet la 103e édition du Tour de France. C'était donc la radioscopie du 9 décembre 1970, dans laquelle Jacques Chancel recevait Louison Bobé, ancien cycliste français qui nous a quittés en 1983. Une émission retravaillée par Stéphane Combe. Demain, à 23h10, nous rediffuserons la radioscopie de Jacques-Yves Cousteau.